Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Après la marche, c'est deux Java. Cyril Renaud avec la plus batte des Java, ou plutôt la parigote, pardon, avec André Blott, puis Cyril Renaud. Thank you. On passe à deux polkas avec à nouveau Cyril Renaud. Thank you. traditionnelle reine de musette, une valse que nous joue Gigi Stock, puis un Charleston Foxtrot avec la révolution de Hector Delfos. Thank you. On retrouve l'enfant terrible Bernard Marly avec deux valses, la Tome des Bauges et la Tyrolienne de Manigaud. Thank you. polka, la vadrouilleuse de Denis Gigon. La valse des neiges, oh, c'est pas forcément le moment avec Alain Chamba. Thank you. Ah, Denis Gigon, on le retrouve avec la valse des Pinsons. Continue avec la valse des princesses et la valse d'Innsbruck, Jérôme Robert et Jérôme Richard. Écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Musique. Et on termine avec et le Paso des Savoyards avec l'orchestre Everest. Comme le temps passe vite. Eh bien voilà, c'est déjà fini. La première partie de cette émission accordéon, eh bien, est terminée. Mais pour autant, sur Sorgé FM, rien n'est fini. La variété continue. Dans cette deuxième partie de l'émission, nous allons rendre un hommage aux femmes. Parce que la femme est, comme le dit Jean Ferrat, l'avenir de l'homme, et c'est bien normal qu'elle soit à l'honneur dans cette émission. C'est avec Alizée qui ouvre le bal avec cette belle mélodie « J'ai pas 20 ans ». Suivra Céline Dion avec « J'irai où tu iras ». J'aime pas quand ça dure. J'aime J'habite où l'amour est un village, là où l'on m'attend.

puisque tu sais le temps qu'il m'a fallu pour arriver au coin de ta rue, puisque derrière tes paupières baissées, tu as suivi les routes où j'ai marché, puisque tu vois la couleur de mes nuages et les photos qui rient dans mes bagages, je garderai tous ces morceaux de nous que tu as laissés casser un peu partout. Un matin d'enfance, un jour tout haut, on se reconnaîtra pour une autre danse. Tu as réveillé le soleil endormi entre tes cils. Par tes yeux clairs, j'ai vu des arcs-en-ciel, là où j'avais laissé fondre mes ailes. Même si tu vis dans d'autres villes que moi, si chaque nuit on s'éloigne pas à pas, même si j'ai peur qui s'avance dans cette chambre qui part vers le silence. Un jour ou l'autre, on se retrouvera un matin d'enfant. La voix chaude de Vicky Leandros. Quoi de mieux pour nous dire que le ciel est bleu? Et Lara Fabian, associée à la regrettée Morane, nous interprète « Tu es mon autre ». Bleu, bleu, l'amour.

sais-tu que Jean est rentré à l'école? Il sait déjà l'alphabet, il est drôle. Et quand il fait semblant de fumer, c'est vraiment ton portrait. Oh bien, bien, c'est une prière. Bien, bien, tu souris mon père. Bien, bien, tu verras ma mère. Véronique Sanson nous demande « Seras-tu là ?» Bien sûr, on va attendre que cette émission se termine. On n'en est pas loin. Jazz nous dit... qu'est-ce qu'elle nous dit, Jazz? Ah oui, elle nous dit qu'elle veut bien. Eh bien, allons-y. Jazz.

de colère, sous le troisième millénaire, tout casser, tout faire. J'ai pas manqué de courage, c'était bien trop facile de laisser en héritage un exil. Tartacar, où es-tu, Tartacar, où es-tu, ta princesse de hasard est passée. Le soir va se reposer. prête à faire.